Vertu solaire. Le soleil darde enfin longuement, la chaleur s'installe durablement, l'été n'est plus au futur. Exit la froidure. Je me vois invité en de visuels et courts mes nombreux voyages, car enfin, décolleté et jupe volage fleurissent dès le point du jour. Mon œil vif et prompt batifole sur chaque éclat de chair dévoilée. Seins ronds et paumés en des corsages qui s'envolent, cuisses et parfois même culottes révélées dans le balai des jambes décroisées. Et aussi, rendons grâce à la mode des pantalons taille basse, qui montrent, du ventre à l'aine et au pubis, de soyeuses surfaces, blanches ou réglisses. C'est un vrai régal pour mes yeux qui se baladent et bondissent sur ces peaux nues. Oui, c'est là l'ultime vertu d'un grand soleil sur fond de ciel bleu.